cette main qui serre fort la mienne vaut tous les trésors auxquels on s'enchaîne. Nous n'avons pas grand chose. Nous n'avons pas grand-chose.